Audiomatique. Vous avez sans doute reconnu à Audiomatic la formation anglaise Depeche Mode qui ouvrait cette transmission 357 d'Audiomatic avec sa chanson Mercy in You, extraite de leur album Songs of Faith and Devotion, lancé en 1993. Vous êtes en compagnie des sonoristes pour la prochaine heure. Et pour poursuivre la programmation musicale d'Audiomatic, nous resterons en 1993 avec cette fois le groupe québécois Handful of Snowdrops. Audiomatic, nous entendions le quatuor Opium Moon, qui a fait paraître un nouvel album double le 27 août dernier, intitulé Night and Day. De l'album Night, nous écoutions la pièce Dicker Night. Et ce qui amorçait ce segment musical, c'était le groupe québécois Handful of Snowdrops, qui a été fondé en 1984 et qui a présenté en mars 1993 dans la ville de Québec ses derniers concerts. De ces concerts est né l'album « Mort en direct », duquel était tirée la première pièce de ce bloc, soit la pièce « Immortals ». Mentionnons qu'après la séparation du groupe en 1993, les leaders de la formation, soit les frères Jean-Pierre et Michel Mercier, ont ressuscité Handful of Snowdrops en lançant l'album 3 en 2015, l'album Noir en 2016 et l'album Blanc en 2020, en plus de plusieurs mini-albums. Vous êtes toujours et encore à Audiomatic avec les sonoristes qui vous présentent à l'instant le groupe canadien Download. Thank you. Thank you. Nous terminions cette séquence musicale à Audiomatic avec la formation britannique Minor Victories, qui est composée de Rachel Goswell de Slowdive, Stuart Brathwaite de Mogwai, Justin Lowkey d'Editors et de son frère James Lowkey, qui est réalisateur. De leur premier album homonyme, nous vous présentions la pièce Breaking My Light. Tout juste avant Minor Victories, il s'agissait du compositeur français Yann Tiersen avec la pièce titre de son tout nouvel album, Kerber, qui est sorti le 27 août dernier. Et pour débuter, nous avions droit au groupe canadien Download, bien sûr mené par Kevin Key, membre de Skinny Poppy, de l'album Helicopter, paru en 2009 et réédité en 2011 avec en bonus le mini-album Wookie Wall, nous entendions la pièce Lift. Nous en sommes maintenant arrivés à la conclusion de cette transmission 357 d'Audiomatic qui se fera sous la musique, pourquoi pas, de l'artiste Beck et sa chanson Diamond Bollocks, paru sur son album Mutations, sorti en 1998. Nous vous invitons à visiter nos plateformes facebook.com/audiomatic-cfou et également mixcloud.com/audiomatic si jamais vous êtes intéressé à entendre ou réentendre nos anciennes transmissions d'Audiomatic. Nous serons de retour en ondes mercredi prochain dès 17h pour vous présenter la transmission 358 d'Audiomatic. Voici donc Beck et la pièce Diamond Bollocks. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Thank you. looking back at some dead world that looks so new. Offices and fountains that they name for you. So ungrateful to the who.